bonne soirée. Merci d'écouter Espace à Série Fontaine. Il est 18h. Tout de suite, on retrouve la rédaction nationale et internationale pour un nouveau flash. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron a qualifié de fausse polémique les réactions à ses propos la veille sur le maréchal Pétain, pour lequel il n'a jamais été question d'avoir une célébration individuelle. Le président avait créé la controverse hier en jugeant légitime d'inclure Pétain au nom de son rôle dans la Première Guerre mondiale dans un hommage rendu samedi aux Invalides, aux chefs militaires de ce conflit. L'exécutif a ensuite souligné que le chef d'état-major irait samedi fleurir à la tombe des 5 maréchaux qui sont aux Invalides, où Philippe Pétain n'est pas enterré. Jean-Claude Gaudin, le maire Les Républicains de Marseille, en fonction depuis 23 ans, est pointé du doigt après l'effondrement meurtrier de deux immeubles dans le centre-ville, a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Il a mis en avant les actions multiples, importantes et constantes, selon ses mots, de la municipalité en matière de logement. Il en a appelé à l'État pour que la réglementation évolue pour faciliter et accélérer l'action publique en matière de lutte contre l'habitat indigne. Aujourd'hui se déroule la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, un fléau dont souffre un enfant sur 10. Dans ce cadre, la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la création prochaine du premier centre de référencement sur le harcèlement scolaire qui doit permettre de mieux évaluer le nombre de victimes de ce fléau sur son territoire. On manque de statistiques et de données d'enquête permettant d'avoir des chiffres plus précis, a expliqué la conseillère régionale Anne Lorne. L'homme qui a abattu 12 personnes hier soir dans un bar bondé de Thousand Oaks en Californie était un ancien soldat âgé de 28 ans, a affirmé le shérif du comté de Ventura. Le suspect qui se serait suicidé s'appelait Ian David Long. En avril, des policiers s'étaient rendu chez cet homme et comme il agissait de manière irrationnelle, avait fait venir des experts de la police en troubles psychologiques. L'homme a fait irruption hier soir dans le Borderline Bear and Grill qui accueillait au moment du drame une soirée étudiante à laquelle plusieurs centaines de jeunes devaient prendre part. Enfin, c'est un symbole de paix qui aura bientôt un visage, représentation de tous les soldats emportés dans le tourbillon de la Première Guerre mondiale. Le soldat inconnu a été doté d'un visage de synthèse que le président Emmanuel Macron va découvrir demain à l'occasion de son passage à l'historial de la Grande Guerre à Péronne dans la Somme pour les célébrations du centenaire de l'armistice. Pas moins de 30 000 photos de soldats engagés dans le conflit ont été rassemblées pour créer ce portrait. Plus normande des radios. Ludo, 17h-19h. C'est reparti pour une nouvelle heure avec un Silk City Electricity et maintenant Martin Grexbone avec High on Life. L'after school d'espace. Sur Espace avec Ludo. L'after school. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die.

son de la prog d'espace. En ce début de soirée, c'était Silk City avec Electricity dans le Vexin normand et Vexin français plus généralement, c'est-à-dire dans l'Eure, une partie également de la Seine-Maritime, de l'Oise et du Val d'Oise aussi. Bah oui, carrément. On rejouera demain au 0950 35 50 50 pour avoir et encore avoir 5 nouveaux passes VIP sans Romain. 18h11 dans 3 minutes LSD avec Thunder Clouds. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Madame Dumas voulait s'offrir les pneus Michelin Cross Climate Plus, élu produit de l'année. Parfait pour affronter toutes les conditions climatiques. Oui, mais elle m'a aussi dit qu'elle partait au sport d'hiver. Alors je lui ai conseillé les nouveaux pneus Michelin Alpin 6. Bien vu, un pneu hiver sera bien plus performant, surtout en montagne. Et toujours par 4 les pneus hiver, hein. Bah oui, je lui ai expliqué pourquoi. Elle l'avait déjà lu sur profilplus.fr. En ce moment chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 100€ pour l'achat de pneus Michelin hiver ou Cross Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Pour profiter de cette offre, rendez-vous dans l'une des 4 agences à votre service. Brunel Pneus Profil Plus, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Gournay-en-Bray et Incarville. Plus d'infos, 02 32 49 01 22. Conditions sur profilplus.fr. Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, l'agglomération Seine-Eure et ses partenaires organisent des animations du 20 au 22 novembre. Café projet, portes ouvertes à la ressourcerie, soirée ESS, atelier Confiboc, participez aux différentes animations et partez à la découverte de l'économie sociale et solidaire. Plus d'infos sur facebook.com/aglo.seine.eure ou sur le site de l'agglomération. Cette année avec Volvo, c'est Noël suédois avant l'heure. Jusqu'au 31 décembre, la Volvo V40 suréquipée est à 295€ par mois sans apport. Location longue durée 48 mois pour une V40 signature édition 9, 40 000 km, entretien et garantie offert. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018 et accord Volvo Car Finance. Détails sur volvocars.fr. Volvo, JFC Normandie, rond-point de KR à Normanville. Les ressourceries L'Abri, actrices du réemploi et de la réutilisation, 3 magasins pour vous accueillir du mardi au samedi de 10h à 18h à Évreux et Val-de-Reuil et de 10h à midi et de 14h à 17h au Manoir sur Seine. Collecte sur rendez-vous. Avec les ressourceries, donnez une seconde vie à vos objets. Participez à la création d'emplois d'insertion. Adoptez un comportement éco-responsable. Venez vous aussi acheter à petit prix les produits déposés. Info www.abriasso.org 06 78 28 71 51. Vous voulez connaître la valeur de votre bien, appartement, maison ou terrain? L'Immobilière Normande vous offre une évaluation de votre bien. Alors n'hésitez plus et contactez l'une de nos 8 agences. Il y a forcément une agence L'Immobilière Normande près de chez vous. Numéro de téléphone 02 32 40 19 90. Monsieur Récup, transport, déménagement, débarras dans toute la Normandie. Devis gratuit, 06 20 10 11 64, www.monsieurrécup.fr. Ils ont dévalé les pentes les plus dangereuses, affronté les monstres les plus terrifiants, abattu les ennemis les plus tordus. Mais ils n'ont jamais autant ri. La Foire Saint-Romain à Rouen jusqu'au 18 novembre. Et c'est la plus grande fête foraine de province. Aventure et gourmandise au rendez-vous sur l'esplanade Saint-Gervais. Restaurant La Gare à Pont-Audemer, déjeuner d'affaires le midi dans une ambiance feutrée, élégante et décontractée. Un menu à seulement 22€ avec des mets de qualité et raffinés. Formule rapide. Restaurant La Gare à Pont-Audemer, dîner le soir entre amis, en couple, dans une ambiance tamisée, chic et chaleureuse. Une cuisine riche en saveurs, inventive et gourmande. Laissez-vous surprendre. Restaurant La Gare à Pont-Audemer sur le site de La Gare. 02 78 08 60 00. Funky Mix. Ce soir à 21h, écoutez Funky Mix. L'émission numéro 1 sur le funk. Espace. Funky Mix. Sur Espace. Le salon Made in France, c'est au Vaudreuil, au pavillon des Aulnes, les samedis 10 et dimanche 11 novembre de 10h à 18h. Un salon pour consommer mieux, français et local. Pour découvrir des produits de qualité fabriqués en France et le savoir-faire de ses exposants dans différents domaines comme la gastronomie, la mode, la décoration, le loisir, l'automobile et bien d'autres encore. Entrée gratuite. Plus de renseignements sur le site www.levaudreuil.fr. Maintenant, Espace Vexin, Pays de Bray, 101.3. Priorité au tube. Just trying to feel to trust.

excellent Aya Nakamura à l'instant avec un copine sur la plus normande et Picard de Radio. Alors le garçon s'est éteint hier, monsieur Francis Lay, et notamment dans la mémoire de toute une génération dans ce pays, c'était notamment ce titre-là. Télé années 70-80. Avant 18h30 dans la catégorie des classiques dance, on écoutera ça. Le son Funky Mix. Funky Mix. Ça claque bien. Bon début de soirée les petits loups. 18h22, tout de suite dans Orion, la sélection Espace. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, c'est jeudi le 8 novembre et c'est reparti pour une nouvelle sélection Espace avec ce soir à Rouen dès 18h à la librairie L'Armitière, la rencontre avec Jean-Claude Carrière. Ensuite à 19h30 à Darnétal, vous avez rendez-vous au théâtre de l'Écho du Robec pour la scène jazzy. Et puis à 20h, retour à Rouen au théâtre des Deux Rives pour le spectacle L'Âge Bête. Au théâtre de la Foudre, Petit Quevilly, c'est The Wing of the Dove. Au théâtre des Arts, Roméo et Juliette. Au théâtre Charles Dullin au Grand Quevilly Edmond en spectacle, et puis au Théâtre à l'Ouest à Rouen, toujours à 20h dans La Peau de ma Femme. Et vous avez également rendez-vous cette fois-ci à 20h30 du côté du 106 pour le concert de Balogi. Et évidemment, vous le savez, jusqu'au 18 novembre, rendez-vous sur l'esplanade Saint-Gervais pour profiter de tous les manèges de la foire Saint-Romain, et on embrasse nos amis forains qui s'y trouvent. Ce samedi 10 novembre, du côté d'Honfleur, grande dictée à 14h30 avec Jean-Pierre Collignon. Ça se passe au Grenier à Sel. Renseignement au 02 31 81 88 00. Passez une très belle soirée sur Espace. Espace Radio. Take a picture of all my flaws, or you can take a video on your phone. And I know that I would talk, but I'm too afraid to pick you up and go on. I'm feeling days like a magazine, finding my sanity, wishing it'll all go away. Now I'm smoking up the balcony, telling me profanities, maybe it was never okay. 3, 4, 5 swipes straight, you told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and you told me not again. Now I gotta tell her that I love one of her friends. 3, 4, 5 swipes straight, she told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and she told me not again. Now I gotta tell her that I love one of her friends. semaine dernière, Espace était une des premières radios à le jouer en France. Et là, ça y est, on commence à l'entendre un peu partout. C'était Norum avec un narcissiste. 18h26 maintenant, je vous envoie un petit Barry White avec Can't Get Enough en mode funky mix. Ludo on the radio. Espace. Funky. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, just what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do. And darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. C'est toujours autant efficace. Moi, je kiffe ce titre. À l'instant, Barry White, Can't Get Enough, l'énorme voix grave des années 70-80 sur Espace en Normandie et Picardie, cette ambiance soul disco funk. Ce sera également à partir de 21h ce soir, comme tous les jours de la semaine, avec Super Manu. Pour l'instant, 18h30, tout de suite l'info locale et régionale. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Dimanche dernier, en bord de Seine, à Saint-Étienne-du-Rouvray, le corps d'un homme qui n'avait ni tête, ni main, ni pied, ni jambe gauche avait été retrouvé emballé dans une bâche. La victime aurait été identifiée grâce à son ADN. Il s'agirait d'un homme de 45 ans vivant dans l'agglomération rouennaise en voie de marginalisation. L'homme était connu de la police et de la justice pour des faits anciens de vol et d'outrage. L'enquête se poursuit toutefois sur les circonstances de sa mort. Et hier, de nouveaux morceaux de corps humain ont été découverts en bordure de l'Eure à Pont-de-l'Arche. Il pourrait appartenir à la même personne. Et puis hier, un corps flottant dans la rivière de l'Epte à Sainte-Geneviève-les-Gagny a été retrouvé. La thèse accidentelle est privilégiée. La victime, un homme âgé de 70 ans habitant Vernon, aurait chuté dans la rivière. Une autopsie est prévue demain. Depuis la fin du mois de septembre, la station d'épuration de Gournay-en-Bray est en travaux. Alexandre Lénaud. Un chantier de 6 mois à la suite de dysfonctionnements réguliers dus notamment à des incivilités. Des lingettes, tampons et même serviettes sont jetées en ouvrant des regards. Précision d'Emmanuel Brou, président du syndicat d'eau du Bray-Sud. On a constaté qu'il y avait un souci pour trier tous les déchets. Ce n'était pas du tout fonctionnel. Donc Veolia, qui est notre délégataire, et ils nous ont demandé à ce qu'on fasse en sorte que ça soit filtré avant que ça arrive dans les pompes. Là, on va faire un dégrayeur à l'extérieur qui soit beaucoup plus facile d'accès. Un dégrayeur, c'est comme un filtre. C'est-à-dire que les eaux usées arrivent dans le dégrayeur. Ils sont triés et ils sont envoyés dans la station pour être travaillés. Emmanuel Brou prévient la rénovation de la structure doit aussi s'accompagner du bon comportement des usagers. Il faut savoir une chose, c'est que quand on tire la chasse d'eau, il ne faut pas considérer qu'une chasse d'eau c'est comme une déchetterie, c'est-à-dire qu'il faut faire extrêmement attention dans le tri. On a trouvé une fois de l'huile de vidange qui est arrivée à la station. Quand on trouve des matières polluantes comme ça, on est obligé de l'arrêter. Il y a un coût supplémentaire qui pourrait entraîner à l'avenir la hausse du prix de l'eau si jamais ça continuait dans ce sens-là. Aucune augmentation du prix de l'eau n'est prévue. En revanche, à la suite des travaux, le budget du chantier qui comprend aussi la déviation et l'étanchéité du réseau d'arrivée des eaux usées à la station s'élève à 1 million d'euros et pris en charge à hauteur de 40% par l'agence de l'eau et 25% par le département. Carlos Ghosn, le président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau projet industriel sur les chaînes de l'usine de Sandouville à la production d'un nouvel utilitaire aux couleurs de Mitsubishi Motors pour le marché australien et néo-zélandais. Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, vient d'indiquer que l'aide au transport versée par la région aux salariés serait élargie à ceux habitant à moins de 30 km de leur lieu de travail au 1er janvier 2019. Unique condition, pratiquer le covoiturage. Aujourd'hui, seuls les travailleurs, notamment dans l'Oise, résidant à plus de 30 km et sans choix que d'utiliser leur véhicule, peuvent bénéficier de l'aide, soit 20 euros par mois. Dans la région Hauts-de-France, 25 000 personnes ont touché l'aide au transport jusqu'à maintenant. Selon le président de la région, il y aurait 4 fois plus de demandes quotidiennes aujourd'hui concernant ces aides. Dans le cadre de son plan transport, la région Normandie, en tant qu'autorité sur les transports ferroviaires, envisage à partir de 2020 20% de trains en plus, ce qui représenterait 10 allers-retours supplémentaires entre Rouen et Paris et 4 de plus entre Le Havre et Paris. Si l'offre va aussi augmenter sur l'axe à Paris-Évrecamp, elle stagnera sur Rouen-Dieppe et Le Havre-Fécamp. Une offre rendue possible grâce à l'arrivée des 40 trains en construction chez Bombardier, capables d'embarquer près de 1000 passagers. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, côté météo, quelques nuages, mais une journée plutôt ensoleillée à l'horizon. Le thermomètre à 12 degrés au meilleur de la journée sur Lunebourg ou encore Formory et Saint-Jean, 13 degrés sur Beauvais, Gournay, Forges-les-Eaux, Les Andelys, Évreux et Brionne, et 14 degrés sur Rouen et Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne, j'ai 9 à 10 degrés à l'heure où je vous parle, indice de l'air nickel chrome, j'ai 3 partout, c'est très bien. Il est 18h34, on attaque cette nouvelle demi-heure avec The Prince Karma et Later Bitches. bitches.

vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit coup de guignol, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vu sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une providence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Trois cafés gourmands avec À nos souvenirs dans la catégorie des sons 80 remixés. Avant 19h, nous écouterons ça. Voyage en Italie, 18h54, à la Proc Télé. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le jeudi 8 novembre. Ce soir sur TF1, la chaîne a décidé de nous perturber. On a nos habitudes, nos traditions, et là ce soir, qu'est-ce qu'il y a-t-il donc à la télévision ? Danse avec les stars, un jeudi soir. Pourquoi ? Tout simplement parce que samedi soir, il y a les NMA, ce truc où des artistes viennent soi-disant pour gagner un prix en faisant la gueule. Enfin bref, ils vont encore venir danser ce soir, mais la chaîne précise, attention, les candidats ont eu beaucoup moins de temps que d'habitude pour répéter, mais on s'en fout ! France 2, Élise Lucet, envoyée spéciale, ce magazine qui passe son temps à changer de sujet. Souvent, quelques heures avant, hop là, patatras, il change tout, donc moi j'en parle pas, parce que vous allez regarder si ça vous intéresse, parce qu'à chaque fois, j'ai l'air d'un idiot. Bon, le premier, j'ai dit que j'ai pas besoin de ça pour être un idiot, je le frappe. 22h55, complément d'enquête, violence gratuite. Pourquoi sommes-nous si méchants ? Perso, je ne suis pas méchant, juste taquin, et je déteste la méchanceté, et le fait de dire que nous sommes tous méchants, c'est méchant. Méditez là-dessus, les amis. France 3, la saga Meurtre A continue sa petite vie pépère le chien avec que des rodifs. Meurtre sur le lac Léman et meurtre à l'île de Ré. Canal Castle Rock, il arrive toujours plein de choses dans cette petite ville des États-Unis. Arte, Ad Vitam, une nouvelle série avec Yvan Attal. C'est une série d'anticipation qui mélange les genres polar et science-fiction. C'est le pitch envoyé par Arte, ça m'angoisse. M6, ne le dit à personne, c'est un thriller avec François Cluzet et Marie-Josée Croze. Guillaume Canet est à la Réa, l'histoire d'un homme qui, 8 ans après la disparition de sa petite amie, reçoit une vidéo où il croit la reconnaître. Le meilleur de la TNT, C8, enquête sous haute tension, 100 jours avec des gendarmes de choc. W9, esprit criminel, unité sans frontières, c'est une rediff. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ils sont incontournables. Sur Espace, écoutez les meilleurs souvenirs. 19h d'Orient pour l'Afterwork, 21h c'est Manu pour Funky Mix. Et là, nous terminons ensemble avec une version Dr. V, version totalement italienne remixée de Ryan Paris et Dolce Vita sur la plus normande des Picardes de Radio. Passez une très très belle soirée, rencard demain 17h. Negli anni 80 sui piatti suonava Santa Esmeralda, DJ Television su Italia 1, i miei miti a memoria uno per uno. Tutte le mattine mi alzavo dal letto con l'idea di diventare come Cecchetto, produrre via verdi, ballare su un palco, cantare per la gente volando in alto. Avrei dato due dita per esserci dentro, Raya, Samantha, Sabrina, Fomento. La musica era il sogno, ancora ci ripenso, e intanto nasceva Lorenzo. Give me five. All right. It's harvest time. State così. La vita ripassa davanti quando vedo sorrisi dal palco di tutti quanti. Ed un pezzo di storia stanotte rivivo. C'è un mondo fatato nel testo che scrivo. I brani, le voci degli anni 80. Una di loro al mio fianco che canta. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le jeudi 8 novembre, il est 19h, c'est les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le bilan continue de s'alourdir. Un septième corps, celui d'un homme, a été retrouvé dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés lundi dans le centre de Marseille, a annoncé le maire Les Républicains de la ville, Jean-Claude Gaudin. Six victimes, deux femmes et quatre hommes, avaient déjà été sortis des gravats. Nous pensons qu'il y a encore au moins une personne sous les décombres, a indiqué Jean-Claude Gaudin. Depuis lundi, nous avons logé 160 personnes dans les hôtels de la ville, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a qualifié de fausse polémique les réactions à ses propos la veille sur le maréchal Pétain, pour lequel il n'a jamais été question d'avoir une célébration individuelle. Emmanuel Macron avait créé la controverse hier en jugeant légitime d'inclure Philippe Pétain au nom de son rôle dans la Première Guerre mondiale dans un hommage rendu samedi aux Invalides, aux chefs militaires de ce conflit. L'exécutif a ensuite souligné que le chef d'état-major irait samedi fleurir la tombe des cinq maréchaux qui sont aux Invalides où Philippe Pétain n'est pas enterré. Les distributeurs de carburant se sont engagés à répercuter au jour le jour la baisse des cours du brut, a assuré le ministre de l'économie Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion avec le secteur à Bercy. Le gouvernement tente d'apaiser la grogne sur la hausse des prix du carburant à l'approche d'un appel à bloquer les routes le 17 novembre. Le gouvernement a dévoilé depuis quelques jours plusieurs autres pistes pour accompagner les ménages pénalisés par la flambée des prix du carburant. Refonte du chèque énergie, défiscalisation des aides au transport ou discussion avec les entreprises. L'homme qui a abattu 12 personnes hier soir dans un bar bondé de Thousand Oaks en Californie était un ancien soldat âgé de 28 ans, a affirmé le shérif du comté de Ventura. Le suspect qui se serait suicidé s'appelait Ian David Long. En avril, des policiers s'étaient rendus chez cet homme et comme il agissait de manière irrationnelle, avait fait venir des experts de la police en troubles psychologiques. L'homme a fait irruption hier soir dans le Borderline Bar and Grill qui accueillait au moment du drame une soirée étudiante à laquelle plusieurs centaines de jeunes devaient prendre part. C'est la 307e fusillade de masse aux États-Unis en 312 jours. Enfin, Jocelyn Gouvernec de retour à Guingamp, c'est fait. Un accord a été trouvé entre le technicien et le club breton que Gouvernec avait entraîné entre 2010 et 2016, le ramenant en Ligue 1. Dernier de Ligue 1 avec 7 points corrigés à Nantes le week-end dernier. Guingamp a limogé Antoine Comboiré en début de semaine. Sur la plus normande des radios. Et c'est parti, on se détend maintenant dans l'afterwork après cette belle journée de boulot. Espace, plus de son, plus de tubes. Ce soir, afterwork spécial nouveauté. Pour l'instant, voici Cédric Gervais de It Tonight pour commencer. Belle soirée. Comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Et le spleen n'est plus

nuit pour te conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Shallow, in the shallow, shallow, la la la. Ça aussi, c'est nouveau ce soir dans l'Afterwork. Lady Gaga en featuring avec Bradley Cooper pour Shallow. Merci d'être avec nous. Bonne soirée. Et puis, vous avez rendez-vous ce samedi du côté de Guichainville pour une braderie d'automne. C'est de 9h à 17h. Il est tout juste 19h26. Back in time. Écoutez le meilleur des souvenirs. Et comme d'hab, on va passer en mode souvenir avec Bonnie Tyler. C'est si demain. Et puis, laissez nouveaux messages 0950 35 50 50. Tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Est-ce que tu me reviendras? Je tiens non. Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi? Je tiens non. Sur la terre entière je me sens abandonnée. Dis, est-ce que tout ça va changer? Je tiens non. Pour habiter ma solitude de mon mieux, moi qui ne sais qu'être deux. J'ai peur de toi. Sans toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Every now and then I get a little bit restless when I dream of something white. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm like a child in your arms. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure, tu as tous les droits sur mon cœur. Peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure. Un titre qui nous rappelle beaucoup de souvenirs. Bonnie Tyler et Karen Anne avec Si Demain, aussi appelé Turn Around, sur Espace, en Normandie, en Picardie, du côté d'Honfleur ou encore de Lyons-la-Forêt. Bonne soirée à tous, soyez prudents sur les routes. Et on pense à ceux qui taffent ce soir et cette nuit, notamment nos amis routiers. Tout juste 19h30, voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Dimanche dernier, en bord de Seine, à Saint-Étienne-du-Rouvray, le corps d'un homme qui n'avait ni tête, ni main, ni pied, ni jambe gauche avait été retrouvé emballé dans une bâche. La victime aurait été identifiée grâce à son ADN. Il s'agirait d'un homme de 45 ans vivant dans l'agglomération rouennaise en voie de marginalisation. L'homme était connu de la police et de la justice pour des faits anciens de vol et d'outrage. L'enquête se poursuit toutefois sur les circonstances de sa mort. Hier, de nouveaux morceaux de corps humains ont été découverts en bordure de l'Eure à Pont-de-l'Arche. Ils pourraient appartenir à la même personne. Et puis hier, un corps flottant dans la rivière de l'Epte à Sainte-Geneviève-les-Gagny a été retrouvé. La thèse accidentelle est privilégiée. La victime, un homme âgé de 70 ans habitant Vernon, aurait chuté dans la rivière. Une autopsie est prévue demain. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et la Mutualité française Normandie viennent de signer un partenariat pour la mise en place du dispositif de lutte contre le renoncement aux soins dans le département, Solène Duloup. Un renoncement qui, selon Frédéric Grance, directeur adjoint de la CPAM de l'Eure, touche près d'un quart des Eurois et des Français. On a fait une étude auprès de 1000 personnes et on s'est aperçu que dans 23% des cas, les assurés nous répondent avoir renoncé à des soins dans l'année. Souvent pour des raisons financières, même si l'assurance maladie rembourse 75% des dépenses, on sait qu'on a des types de soins qui sont moins bien remboursés, par exemple les soins dentaires, les lunettes, les prothèses auditives. À force de renoncement aux soins, les problèmes de santé peuvent s'accentuer avec le temps et augmenter la facture pour leur traitement, pour les Eurois comme pour l'assurance maladie. Si les personnes touchant moins de 726 € par mois peuvent prétendre à la couverture maladie universelle, le partenariat avec la Mutualité française vise un autre public à la limite de la précarité. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que pour les personnes globalement qui gagnent moins de 1 000 € pour une personne seule, la caisse primaire peut leur verser l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé pour les aider à payer leur mutuelle. Un chèque de l'assurance maladie qui vient en déduction de vos cotisations mutuelles. On compte beaucoup sur la Mutualité française pour faire des détections, puisque la Mutualité française Normandie, c'est 65% de la population normande qui adhère à une de leurs mutuelles. À noter, pour une personne à la retraite, le montant de l'aide peut aller jusqu'à 550 €. Carlos Ghosn, le président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau projet industriel sur les chaînes de l'usine de Sandouville, à la production d'un nouvel utilitaire aux couleurs de Mitsubishi Motors pour le marché australien et néo-zélandais. Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, vient d'indiquer que l'aide au transport versée par la région aux salariés serait élargie à ceux habitant à moins de 30 km de leur lieu de travail au 1er janvier 2019. Unique condition, pratiquer le covoiturage. Aujourd'hui, seuls les travailleurs, notamment dans l'Oise, résidant à plus de 30 km et sans choix que d'utiliser leur véhicule, peuvent bénéficier de l'aide, soit 20 € par mois. Dans la région Hauts-de-France, 25 000 personnes ont touché l'aide au transport jusqu'à maintenant. Selon le président de la région, il y aurait 4 fois plus de demandes quotidiennes aujourd'hui concernant ces aides. Dans le cadre de son plan transport, la région Normandie, en tant qu'autorité sur les transports ferroviaires, envisage à partir de 2020 20% de trains en plus, ce qui représenterait 10 allers-retours supplémentaires entre Rouen et Paris et 4 de plus entre Le Havre et Paris. Si l'offre va aussi augmenter sur l'axe à Paris-Évreux-Caen, elle stagnera sur Rouen-Dieppe et Le Havre-Fécamp. Une offre rendue possible grâce à l'arrivée des 40 trains en construction chez Bombardier, capables d'embarquer près de 1000 passagers. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, côté météo, quelques nuages, mais une journée plutôt ensoleillée à l'horizon. Le thermomètre à 12 degrés au meilleur de la journée sur Lunebourg ou encore Formerie et Songeon. 13 degrés sur Beauvais, Gournay, Forges-les-Eaux, Les Andelys, Évreux et Brionne. Et 14 degrés sur Rouen et Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Et que de bonnes nouvelles ce soir, il fait encore beau demain et ça c'est trop bien. Merci Eric, prochain point d'actu à 20h30. Pour l'instant, 19h35, nouvelle demi-heure ensemble dans l'Afterwork avec The Prince Karma, Later Bitches. This is like the best song.